à un homme bienfaisant. Cesse de chercher sur la terre des cœurs sensibles aux bienfaits. L'homme ne pardonne jamais le bien que l'on ose lui faire. N'importe, ne te lasse pas. Ne suis la vertu que pour elle. L'humanité se voit moins belle si l'on ne trouve point d'ingrat.